إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعطاء والملك والتدبير، وتفضل على عباده بالنعم أناء الليل وأطراف النهار، وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى المنعم وهو الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وأما العباد فهم أسباب يجري الله النعم على أيديهم. فإضافة النعم إلى غير الله من كفر النعمة، وهو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النحل، وهي المسمى أيضا بسورة النعم، ذكر فيها الله عز وجل عددا من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وهي المساكن والأنعام وما يرزقون بها، والسرابيل من الحديد والثياب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذاما كفار قريش الذين يعرفون أن هذه النعم العظيمة المذكورة في السورة وغيرها أنها من الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم، فهم متناقضون في ذلك. وكفر النعم أيها المسلمون من أنواع الكفر الأصغر، لما فيه من جحد إضافة النعمة إلى الله، ولما فيه وهو شرك أصغر لما فيه من جعل شريك للمنعم. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala est lui seul qui donne. C'est lui qui a en sa possession le royaume des cieux et de la terre. Et c'est lui qui dirige et administre tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala accorde des bienfaits à ses serviteurs de jour comme de nuit. Et fait partie de la complétude du tawhid d'attribuer ses bienfaits à celui qui nous a comblés par ceci, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jal, tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Quant aux serviteurs, ce ne sont que des causes à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde les bienfaits. Ainsi, attribuer ses bienfaits à autre qu'Allah revient à être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce bienfait. Et ceci bien sûr fait partie des interdits en islam qui viennent diminuer le tawhid du serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans sourate les abeilles, qui est appelée également sourate les bienfaits. Dans cette sourate, Allah azza wa jal et a cité de nombreux bienfaits à travers lesquels il comble ses serviteurs. Parmi ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a cités, les demeures, à savoir les maisons, les bestiaux et ce qui est nécessaire à leur pourvoyance. Allah Azza wa Jalla y a également cité les armures qui protègent de l'ennemi et les vêtements qui protègent du froid. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité tous ses bienfaits, dit selon le sens: ils connaissent les bienfaits d'Allah sur eux, puis les renient. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parole, réprimande les polythéistes de Quraysh, qui savaient très bien que les bienfaits dont ils jouissaient, que les bienfaits immenses dont il jouissait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette sourate, sourate les abeilles, mais dans bien d'autres sourates également, il savait pertinemment que ces bienfaits provenaient d'Allah, mais il reniait le fait qu'elles provenaient d'Allah. Et ils associaient ces bienfaits et disaient que c'était le fruit qui leur a été donné de par leurs idoles et leurs ancêtres. Ainsi, ils ont été contradictoires dans cela. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait de renier les bienfaits d'Allah Azzawajal fait partie de la petite mécréance. Cela fait partie de la petite mécréance, car la personne qui commet cet interdit renie le fait que les bienfaits proviennent d'Allah, mais également donne un associé à Allah dans le fait de combler de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Wa min amthilati kufri ni'mah allati dhakaraha as-salafu akhdha min ma'na al-ayah qawlu rajul hadha mali warithuhu an abai. فإن كان القائل يريد الإخبار فهذا جائز، أما إذا كان القائل يريد أو يضيف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب وهو الله، فذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، وذلك لأن المال نعمة أنعم الله بها على آبائه ثم أنعم الله بها على هذا الرجل عن طريق قسمة الميراث، وهذا كله من فضل الله ورحمته. والمثال الآخر أيها المسلمون، قول القائل لولا فلان لم يكن كذا، وكذلك قول لولا الطيار لهلكنا، ولولا قائد السيارة لأصابنا مكروه، وغير ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول النعم بمثل هذه الأمور. والأمر إنما حصل بفضل الله وبرحمة الله وبقضاء الله وقدره، فهو سبحانه وتعالى المنعم وحده على الحقيقة. Et parmi les exemples d'ingratitude, parmi les paroles que prononcent beaucoup de gens et qui en réalité sont une ingratitude vis-à-vis des bienfaits dont Allah Azzawajal nous comble, parmi ces exemples qu'ont cités nos pieux prédécesseurs, après avoir compris les versets que l'on a précédemment cités, le fait qu'une personne dise « Ceci est mon argent que j'ai hérité de mes ancêtres ». S'il dit cela dans le simple but d'informer, alors cela est autorisé. Par contre, s'il dit cela dans l'intention de dire que l'argent qu'il a, ce n'est que l'héritage, ce n'est que grâce à l'héritage, en oubliant celui qui l'a comblé de ce bienfait, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans cela, cette parole est interdite et elle est en contradiction avec le tawhid. Ceci, car le bien qu'il possède est un bienfait d'Allah dont il a comblé ses ancêtres. Puis Allah Azza wa Jal a comblé cet homme de ses biens à travers le partage de l'héritage. Ainsi, tout revient au mérite d'Allah et à sa miséricorde. Un autre exemple que les salafs donnent: si ce n'était pas un tel, il se serait passé telle et telle chose. Comme le fait de dire, si ce n'était le pilote d'avion, nous aurions péri. Si ce n'était le conducteur de cette voiture, eh bien tel et tel mal nous aurait atteint. Et des paroles similaires qui s'accrochent ou qui font en sorte que le bienfait dont a été comblé le serviteur revient à une cause terrestre et non à celui qui a provoqué cette cause, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ceci a lieu par la volonté d'Allah, par sa miséricorde et par sa prédestination subhanahu wa ta'ala. هذه بعض أنواع كفر النعمة التي ذكرها السلف، وهي من المحرمات المنقصة للتوحيد، وذلك ما فيها من الاستناد إلى الأسباب ونسيان المسبب جل وعلا، الذي لو شاء ما ساق للعبد الأرزاق وما يسر له الأسباب. فمن كمال التوحيد أن يشكر المؤمن ربه على توفيقه بحصول النعم وأن ينسبها إليه، فهو المتفضل بها على الحقيقة، لا إله غيره ولا رب سواه. ولا يعني ذلك أيها المسلمون أن يتنكر لمعروف الناس ويكون جاء أن يتنكر لمعروف الناس أو يكون جافيا معهم، فإن السنة أن يشكرهم ويدعو لهم لكون الرزق ساقه الله على أيديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. Que ces exemples, voici quelques exemples d'ingratitude envers les bienfaits dont Allah Azza wa Jalla nous comble. Quelques exemples que les salafs ont cités, qui font partie, comme je l'ai dit, des interdits, qui ont un impact sur le tawhid. Ceci car la personne s'accroche à la cause et oublie celui qui provoque cette cause, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui, s'il le voulait, aurait privé ses serviteurs de pourvoyance et les aurait privés de toutes les causes à travers lesquelles ils perçoivent leur pourvoyance. Et fait partie de la complétude du tawhid que le croyant soit reconnaissant envers son Seigneur qui lui a permis d'obtenir ses bienfaits et d'attribuer ses bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Point de divinité en dehors de lui et point de maître sauf lui subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire également que l'on doit renier le bienfait des gens sur nous et d'être rigide vis-à-vis d'eux, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de remercier les gens et d'invoquer en leur faveur, car cette pourvoyance qu'Allah azza wa jalla nous a accordée, il nous l'a accordé à travers ces personnes et en prenant ces personnes comme des causes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui vous fait un bien, soyez reconnaissant envers lui. Et si vous ne pouvez pas lui rendre la monnaie, et si vous ne pouvez pas être reconnaissant envers lui, alors invoquez en sa faveur jusqu'à ce que vous pensiez lui avoir rendu la monnaie. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم، منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة، بأن سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وأزاحه الشبه والعلل، ثم مع ذلك كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti, c'est-à-dire qu'il a mis à votre disposition ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidé, ni livre éclairé. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt sur ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit, en expliquant ces versets 20 et 21 de Sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en alertant ses serviteurs sur les bienfaits dont il les a comblés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dans le fait qu'il ait mis à leur disposition ce qu'il y a dans les cieux comme étoiles, qui les éclaire de jour comme de nuit, et ce qu'il a créé pour eux comme nuages, pluie, neige et froid. Et Allah Azza wa Jalla a fait de ce ciel un toit protecteur pour eux. Également, ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a créé dans cette vie d'ici-bas, dans cette terre, comme demeure, comme fleuve, comme arbre, comme culture et comme fruits. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés d'innombrables bienfaits apparents et cachés, comme le fait qu'il ait envoyé pour eux des prophètes, qu'il ait descendu sur eux des livres, qu'il les ait préservés des maladies. Et malgré tout cela, les gens n'ont pas tous cru en lui. Certains parmi les gens renient et se disputent au sujet d'Allah, c'est-à-dire au sujet de son unicité, au sujet du fait qu'il a envoyé les prophètes. Il renie cela sans science, sans preuve et sans livre révélé. ثُمَّ عَلَمُوا أَنَّمَا مِنْ نِعْمَةٍ فِي الْوُجُودِ إِلَّا وَرَبُّنَا مُسْدِيهَا قال الله تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ فَهُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وأجود الأجودين يعطي قبل أن يسأل ويعطي فوق المؤمل يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يحب الملحين إليه ومن لم يسأله يغضب يستر على عبده والعبد لا يستر نفسه ورحمه حيث لا يرحم العبد نفسه أرسل لهدايته الرسل وأنزل من أجله الكتب بل ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة وينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له وذلك كل ليلة. الله عز وجل nous comble donc de ses bienfaits. Il n'y a pas un bienfait dans cet univers sans qu'il ne provienne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui protège ses serviteurs des mal, des maux, il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le mal vous touche, c'est lui que vous implorez. Allah azza wa jalla est le plus généreux des généreux et le plus gracieux des gracieux. Il donne avant même qu'on lui demande. Et il donne plus que ce qu'on lui demande. Il se contente d'une reconnaissance qui n'est en aucun cas à la hauteur de ses bienfaits. Allah Azza wa Jal pardonne un grand nombre de péchés et les efface. Il aime ceux qui s'humilient devant lui. Et il s'énerve contre celui qui ne l'invoque pas. Allah Azza wa Jal cache les défauts de son serviteur, alors que ce même serviteur les montre au grand jour. Allah Azza wa Jal fait entrer ses serviteurs dans sa miséricorde. Il a envoyé pour leur guider les prophètes et a envoyé pour leur bien les livres et a descendu pour leur bien les livres. Et bien plus, Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit et dit subhanahu wa ta'ala, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, « Y a-t-il une personne pour me demander afin que je lui donne ? Y a-t-il une personne pour me demander le pardon afin que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je lui exauce ?» Et ceci a lieu durant chaque nuit. Nasallallah azza wa jal an yaj'alana min alladhina yashkuruna ni'amahu zahiratan wa batina. Allahumma aj'alna min alladhina yashkuruna ni'amak. اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصرهم على عدوهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين